La Bretagne vivante, écrit par Charles Géniaud, paru en 1912. Lu par Armen pour audiocité.net. Premier chapitre, la Bretagne pauvre. La célèbre description des paysans de la Bruyère a laissé un souvenir d'autant plus vif que nous croyons aujourd'hui un certain bien-être chez nos populations rurales. On étonnerait peut-être les citadins en leur apprenant qu'il y a encore quelques centaines de mille paysans bretons qui vivent dans des conditions presque identiques à celles de leurs ancêtres du XVIIe siècle. La population des 5 départements bretons atteint presque 3 300 000. Il faudrait retrancher de ce total les 1 300 habitants de la Bretagne modernisée, Loire inférieure et Ille-et-Vilaine. Accoutumés à fréquenter ces cultivateurs depuis notre enfance et portés à l'étude de leurs mœurs savoureuses, il nous plairait d'exposer la vie des paysans des départements du Morbihan, du Finistère et des côtes du Nord en insistant spécialement sur le pays gallo, c'est-à-dire la région occupée jadis de préférence par les colons gallo-romains. Cette région s'étend de l'embouchure de la Vilaine à la commune de Rohan. Les armoricains passent, tantôt pour les héros de la fidélité traditionnelle et plus généralement dans les milieux ouvriers de Paris, pour les derniers des Français. Un manœuvre est-il lent à l'ouvrage, illettré, obtus, c'est un breton. Sur les chantiers, l'expression « espèce de breton » l'a emporté sur le qualificatif d'Auvergnat. À la vérité, ce peuple immobilisé a conservé ses vieilles mœurs. Ce n'est pas toujours un crime. La pauvreté du sol granitique l'a gardé de toutes les innovations et de tous les contacts. Des journaliers morbihanais ne sont pas montés en wagon. Autour de Josselin, des fermiers ne connaissent pas leur chef-lieu, Vannes. Dans les villages situés sur les monts d'Arrée, on rencontre des vieillards qui n'ont jamais contemplé une locomotive. Ils ignorent que nous sommes en République et croient la Bretagne complètement entourée par la mer. Voici 2 ans, un officier en garnison à Paris interrogea les recrues de la Basse-Bretagne à leur arrivée au régiment, et l'ignorance de ces jeunes gens le stupéfia. La France ne représentait rien d'exact à leur esprit, et hors de leur canton, le monde s'obscurcissait. Les Bretons de l'intérieur, sans communication avec les villes, continuent à vivre retournés vers le passé. Nous voudrions faire saisir tout ce qu'il y a d'éternité chez ces habitants du sol le plus vieux d'Europe, puisqu'il émergea le premier des eaux. Exister sur cette terre antique communique sa vieillesse jusqu'aux petits-enfants. Lorsqu'on les croise dans les champs, ils vous regardent avec des yeux couleur de leur ciel pâle où il y a déjà du souvenir. Lorsque, vers 1850, le service de la voirie inaugura en Bretagne le réseau des routes actuelles et que les chemins ferrés commencèrent à s'avancer le long du littoral, le centre montagneux de l'Armorique n'eut pas la chance d'être desservi par les nouveaux moyens de transport, et ses bourgades moyenâgeuses furent condamnées à la lente décrépitude. Isolement, misère du sol incultivable sur un tiers de sa superficie, attachement aux coutumes, routine des laboureurs endormis sur des arrères antiques, dont le soc était encore en bois de chêne, voici les causes auxquelles nous devons la conservation de la race la plus opiniâtrée dans ses traditions et sa liberté. Car, insistons sur ce phénomène, le paysan armoricain a toujours lutté pour sa liberté. C'est un indépendant. Le duc de Chaulnes ne pouvait pendre les Bretons à la douzaine, les survivants continuaient à refuser les impôts et tenaient tête à leurs gentilshommes et à leurs recteurs. Au XVIIIe siècle, nos cahiers paroissiaux sont remplis des procès entre le général, assemblée des notables villageois et leurs prêtres ou seigneurs. Nos campagnards ont toujours entendu vivre sur un pied d'égalité avec leurs propriétaires. Lorsque leur recteur les importune en 1729, les habitants de Lanterne, quoique bons catholiques, prennent le parti d'enterrer eux-mêmes leurs morts, sans aucune cérémonie religieuse, et se privent de la messe. Quant aux vassaux du sire de la Motte, à Arzal, ils traînent leur seigneur devant les tribunaux, lui contestent la jouissance de sa chapelle et mettent devant son siège, à l'église, un énorme banc qui l'empêche de voir l'officiant. Ces faits significatifs prouvent que les droits féodaux étaient tombés en désuétude. Ils n'ont d'ailleurs jamais eu leur plein effet sur un peuple frondeur, ennemi des gabelles et des signes honorifiques. Aussi bien, les gentilshommes bretons pauvres et simples d'allure ont presque toujours vécu familièrement avec leurs cultivateurs. N'allaient-ils pas jusqu'à tenir les mancherons de leurs charrues en leur compagnie? Nous trouverons peut-être là la vraie cause de la chouannerie au moment de la Révolution. Les paysans ont défendu leurs gentilshommes parce qu'ils les considéraient comme des frères aînés et de bons conseillers. Le noble se trouvait le chef de la façon la plus naturelle. C'est à lui ou à ses ancêtres que revenait le mérite de la création du bourg. Ce paysan guerrier, il n'était pas autre chose à l'origine, bâtissait une maison. Il prenait ses aises sur un sol sans autre propriétaire que le grand seigneur du comté, satisfait de voir l'un de ses vassaux concourir au défrichement d'une partie de son domaine. Successivement, les descendants de ce premier occupant, suivant l'état de leurs affaires, construisaient des dépendances et faisaient sculpter leurs armes sur les linteaux des portes. Plus tard, les domestiques attachés à leur maison élevaient autour d'eux des chaumières, acquéraient des champs et constituaient des fermes. Les artisans indispensables, menuisiers et forgerons, venaient grossir ce hameau primitif avec leurs ateliers. C'est ainsi que nos villages se sont créés. Encore aujourd'hui, au milieu des chaumières, on trouve ce que les paysans nomment la maison de noblesse, c'est-à-dire celle du premier occupant. Et de même qu'elle est le berceau d'une famille d'élection, elle reste le centre historique du bourg. Ces constructions du XVe siècle, oubliées dans nos campagnes comme des arches qu'aurait déposées un déluge ancien, perpétuent à nos yeux la tradition bretonne. Elles sont vraiment les reliquaires du passé. Transformées en fermes, ces gentilhommières jouent un rôle prépondérant dans la vie des Bretons demeurés, dans leur esprit et leur cœur, les hôtes des anciens temps. C'est ainsi que les siècles révolus se perpétuent en eux, dans ces logis disposés pour l'existence sommaire de l'époque gothique. Le premier indice de la prospérité d'un pays, c'est la bonne tenue des villages et l'aspect cossu ou simplement propre des maisons neuves. Les provinces encombrées de vieux logis déclarent ainsi leur pauvreté. Paris se renouvelle à chaque siècle. Les cités armoricaines conservent des logis branlants et pourris qu'elles ne pourraient reconstruire. Dans les campagnes du Morbihan, on peut affirmer que la ferme moderne est l'exception. 300 000 paysans au moins habitent encore des bâtiments de l'âge gothique ou de la Renaissance. Les meilleures de nos métairies datent de Louis XIV. Les villages antiques composés de ces maisons s'annoncent presque toujours par des chemins creux bordés de chênes têtards plantés sur les talus de terre rapportés. Des ornières profondes et jamais comblées se creusent sous le passage des chars à bœufs, seuls équipages possibles dans ces voies rocheuses qui forment récifs quand les eaux emportent l'argile. Lorsqu'on approche du hameau, le sol devient spongieux. Un lit d'ajon est étendu tout au long de l'unique rue afin d'éviter l'enlisement. Le passage des troupeaux et des roues brisera les piquants. Ensuite, cette lande pilée servira de litière dans les étables où sera superposée au tas de fumier placés à gauche de la porte, ce qui oblige les habitants à traverser une mare de purin pour rentrer chez eux. L'hiver, des ponts de fagots établis devant les seuils permettent de passer sans enfoncer dans ces eaux. Extérieurement, le logis se présente sous l'aspect d'une longue bâtisse d'assez fière mine, composé d'un rez-de-chaussée en granit appareillé et d'un grenier sur lequel vient festonner un chaume roussi et lourd d'humidité. Une porte cintrée en pierre moulurée et deux ou trois petites fenêtres grillées d'un pied de haut, creusées dans un mur de 60 à 80 cm, voudraient éclairer ce bâtiment de 15 à 20 mètres. Aussi, afin de ne pas vivre dans l'obscurité, la porte doit-elle demeurer ouverte? Les pignons élevés donnent une pente roide aux toitures et sont terminés par de larges cheminées. L'âge a patiné ces constructions et l'or et l'argent des lichens s'y marient. L'aspect pictural présenté par ces hameaux ravit d'ordinaire les artistes. Pas une pierre, pas un morceau de bois neuf, pas un signe du temps présent ne viennent modifier ces paysages du XVIe siècle. À l'extrémité du village, un if énorme dépasse la chapelle ruinée de l'ancienne trève, et si l'on fouillait le sol au pied de cet arbre, on trouverait les ossements d'un cimetière disparu. Le seuil d'une de ces métairies enjambées, l'on se trouve dans une pièce unique qu'on nomme la salle. Une auge creusée comme un esquif antique dans un tronc de chêne et qui s'appelle, suivant le patois, la nouée ou nef, sépare la pièce. D'un côté, les animaux, vaches, bœufs, porcs, moutons, volailles, sont parqués. De l'autre côté, les lits clos à la mode bretonne et les armoires sont dressées parallèlement à une table huche et à ses bancs. Une pile, c'est-à-dire un billot creusé en bassin, est placée auprès de la nouée. Le métayer y écrase les légumineuses qu'il donnera en pâture à ses bovidés. Les bottes, les sabots, les hardes usagées côtoient la huche chargée de lait et la baratte. Suspendues aux solives enfumées par l'énorme cheminée qui tient l'extrémité de la salle, des quartiers de lard avoisinent les hoyaux souillés de fumier. L'usage veut qu'on accole jusqu'à 3 et 4 armoires et autant de lits à la file. À midi, quand les paysans attablés réparent leurs forces, les bœufs, face à face avec leur maître, mangent dans l'auge. En arrière, moutons, porcs ou poulets, broient, lapent et picorent. C'est la crèche dans tout son archaïsme. C'est un tableau de vie pastorale qui, dépassant l'époque médiévale, remonte à l'humanité primitive. Examinées à ce point de vue, ces fermes en acquièrent une noblesse réelle et l'on oublie quelques instants les progrès accomplis pour songer que ces Bretons rééditent inconsciemment les scènes des premiers cultivateurs du monde. Presque toutes les métairies morbihanaises offrent ces représentations de l'arche de Noé, car les espèces vivantes et germantes sont enfermées sous leur toiture de chaume. Dans un certain nombre de fermes, une cloison sépare l'étable de la salle. Parfois, des trous circulaires, pratiqués dans cette palissade, permettent aux bœufs de voisiner avec leur maître. Le laboureur gallois voit plusieurs avantages à cette promiscuité, et le plus certain, c'est le chauffage économique produit par la chaleur de ces animaux pendant l'hiver. Aucun carrelage ne recouvre la terre battue et fortement bosselée de la pièce. L'usage persiste depuis des siècles, lorsqu'on construit une métairie, de faire bénir le milieu de la place par un prêtre. Le recteur asperge d'eau bénite le centre de la maison. Aussitôt après son départ, le propriétaire du logis gratte cette terre consacrée et il en remplit un sachet. Elle porte bonheur et guérit les maladies. Cette opération creuse déjà une petite cuvette sur l'aire plane. Bientôt, les eaux ménagères, le lait ou les pluies filtrent dans la pièce et, chaque fois que la fermière balaye, elle enlève un peu d'argile, si bien qu'au bout de 20 ans, le sol de la salle vallonne et des eaux croupissent au pied des buffets. Devant chaque lit clos ou demi-clos, un coffre sert tout à la fois d'escalier pour accéder à la couche élevée et de caisse à linge. Les lits clos, ces sortes d'armoires à sommeil dont les paysans ramènent les glissières derrière eux une fois qu'ils ont atteint leur matelas, répondent à une nécessité. La pudeur a dû inventer ces meubles qui forment des sortes de cellules et permettent aux 8 ou 10 hommes, femmes et enfants logés dans une salle unique de se déshabiller et de dormir à l'abri des regards indiscrets. L'aération se fait à travers les roues ou les rangées de fuseaux décorant les gracieuses façades de ces lits. Dans les métairies très habitées, il a fallu s'ingénier pour coucher tous les parents et domestiques dans la seule pièce disponible. Les Bretons ont résolu ce problème au moyen des lits clos à double et triple étage, à la manière des couchettes dans les navires. La coutume veut qu'on réserve entre les armoires et le mur un passage nommé « ruelle au charnier ». Le maître du logis y dépose les jarres chargées de porc salé, seule viande consommée par les habitants. Ce genre d'intérieur se trouve reproduit en plusieurs modèles dans les campagnes bretonnes. Les fermes moyennes comportent généralement des salles de 12 à 18 mètres sur 5 à 6 mètres de large. Elles renferment avec leurs habitants une trentaine de bovidés. Les petites métairies, longues de 8 à 10 mètres, sont parfois partagées par les armoires qu'on adosse à la tête des vaches. Les meubles acculés à la litière forment une sorte de cloison transversale. À droite, c'est la chambre, à gauche, l'écurie. Cette disposition présente des inconvénients, ainsi que nous le confiait le vieux métayer Carreau. Lorsque les vaches mouchent l'été, il leur arrive d'envoyer d'un coup de corne les armoires sur la tête de leur maître. Mais, affirme Carreau, le crâne des galops est plus dur que le chêne, car la corniche s'est brisée sur mon front. La nuit venue, des chandelles de résine pincées dans des chandeliers à ressort ou simplement posées dans de vieux sabots suspendus par le talon éclairent misérablement ces salles. Jusqu'à ces dernières années, une ferme bretonne était un microcosme. Les fermiers se suffisaient à eux-mêmes. Ils devaient tout à leur industrie. Leur mobilier était fabriqué à domicile par des menuisiers salariés à la journée. Les étoffes de lin ou de laine dont ils se vêtent, culottes de réparon, jupes de toile, draps de pillot et de plataine étaient filés puis fabriqués sur place. Licous et chapeaux tressés l'hiver au coin de l'âtre, échelles façonnées au couteau, fléaux pour dépiquer, outils aratoires, fourches, râteaux étaient construits par les valets ou les fils de la maison. Fileurs, tisseurs, menuisiers, maçons à l'occasion, laboureurs et éleveurs produisant du lin, le chanvre, la laine, les céréales et les viandes, si par aventure un cataclysme céleste avait enlevé une métairie bretonne avec son territoire sur une autre planète, elle eût pu continuer à vivre sans changement. Les fermes bretonnes de 20 à 30 hectares et d'une location de 800 à 1400 francs, suivant la valeur du sol, sont cultivées par un personnel peu nombreux. Aussi n'y connaît-on que la culture extensive. Généralement, le fermier, aidé par sa femme et ses enfants, doit encore gager un grand valet pour le labour, une chambrière à l'usage de la basse-cour et de la laiterie, et un patour. L'homme gagnera 200 francs, la servante la moitié, et le gardeur de moutons, sa nourriture, ses hardes et deux paires de sabots à la Saint-Jean. Pendant les moissons, le fermier devra embaucher des journaliers supplémentaires. La nourriture des maîtres et des serviteurs est identique dans sa monotonie et sa grossièreté. Gigourdaine, sorte de laitage au pain, galette et bouillie de sarrasin et, une fois le jour, une soupe aux légumes engraissée d'un peu de lard. Comme boisson, du cidre ou de l'eau les années sans pommes. Après le repas de midi, le fermier doit accorder le droit de la mariénée à ses valets, c'est-à-dire la sieste dans les meules l'été, sur la paille de l'étable l'hiver. Ses domestiques à long sommeil besognent mollement. Des expériences entreprises par un ingénieur morbihanais sur les 300 paysans de son exploitation lui ont prouvé qu'on pouvait améliorer le rendement de la main-d'œuvre de ses ouvriers et leur donner une activité au travail comparable à celle des habitants de l'Île-de-France, en modifiant leur régime alimentaire, de la viande de bœuf au repas, moins de légumineux, moins de cidre et un peu de vin transformeraient ces hommes. La raison de leur lourdeur intellectuelle et physique, nous la trouverons dans les épaisses bouillies d'une digestion difficile. La race se transformerait elle-même par une nourriture plus rationnelle. Lorsqu'on traverse les immenses landes qui couvrent encore la Bretagne de l'intérieur pendant des lieues, à peine coupées par des métairies installées dans les vallées, on est frappé de la ressemblance évidente entre les hommes, le sol et les animaux. Osseux, maigres, le front rocheux, les membres en branches sèches, nos paysans ont emprunté aux landiers leur air rêche. De poids léger et de petite stature comme leurs bœufs de race pie, les Bretons, peu pressés comme leurs équipages, sont d'une endurance remarquable. Plus encore que les villages, les chaumières répandues au bord des routes et jusque sur les génétrais et dans les bois contribuent à caractériser la Bretagne. Elles donnent à ce pays son cachet de pittoresque. Des journaliers occupent ces maisonnettes de granit, tapis sous leurs chaumes trop longs qui semblent une toison de bête. Sous le rebord de la toiture, on aperçoit un carrelet qui luit comme un œil. La porte ronde, très basse, ouvre perpétuellement au ras de l'herbe sa bouche affamée. Et ce sont là, en effet, les masures de la faim. Elles se composent d'une petite pièce en contrebas de la chaussée. Chez les moins malheureux de ces tâcherons, un appentis accolé au pignon protège une vache et un porc. La vache pâturera par charité sur le digois des champs. Ce vieil et charmant usage breton voulait qu'on réservât aux pauvres une bande de sol herbeux, le digois, tout autour des guérets destinés aux ensemencements, afin que la vache de la veuve ou du nécessiteux pût y trouver gratuitement sa nourriture. Nous entrons ici au pays de la misère. Elle est grande en armorique chez les journaliers rarement payés plus de 1,50 francs l'été et 1 franc l'hiver. Les dimanches et les jours de chômage retranchés, il n'est pas exagéré d'affirmer que des milliers d'ouvriers ruraux ne gagnent guère plus de 300 à 400 francs par an. Avec cette petite somme, le père, la mère et 3 à 4 enfants doivent vivre. La moyenne de leur budget ne leur permet pas de dépenser plus de 15 centimes par personne. Dans certains hameaux, situés au centre du Morbihan, les gens souffrent toujours de la famine. Nous entendons par là qu'ils s'alimentent avec 10 centimes par jour et qu'il leur est impossible, dans ces conditions, de réparer leurs pertes. Ces observations portent sur un ensemble de plusieurs années et sur un rayon d'au moins 20 lieues de pays. Le chef de famille, père de 3 enfants, touche 1,25 francs par jour. En 1911, le salaire moyen dans le Morbihan s'éleva à 1,60 francs. Tant qu'un bébé est nourri par sa mère, il estime qu'il ne lui coûte rien. La mère, fatiguée, n'adoptera l'élevage au biberon qu'à la dernière extrémité, car ce mode d'alimentation représente une certaine dépense. Il consomme le lait de la vache avec lequel elle fabrique un beurre qu'elle vend si bien au marché. Lorsqu'elle est réduite à cette extrémité, la paysanne verse le lait dans la crôle, biberon en terre cuite, imitant une petite lampe à huile des catacombes ou une gargoulette. La mère enveloppe le bec de la crôle avec un chiffon qui joint le double avantage de filtrer le lait et de l'empêcher de couler trop rapidement dans la gorge du bébé. Afin de se libérer de son nourrisson et pouvoir s'occuper de son ménage ou cultiver son courtis, la maman le dépose dans un ber, sorte d'auge qui pourrait flotter et porter un nouveau Moïse. Jusqu'au sevrage, l'enfant nourri au biberon coûte 15 centimes par jour à ses parents. À 3 ans, le petit paysan mange comme eux et le prix de revient de ses aliments ne dépasse pas plus de 10 centimes. En pays gallo, une évaluation aussi exacte que possible porte les gains réunis du père et de la mère à 2 francs par jour, moyenne de l'année, et les dépenses d'une famille de 5 personnes s'établissent ainsi. Nourriture et boisson, cidre ou piquette de miel du père et de la mère, 50 centimes. Alimentation de 3 enfants, 30 centimes. Part quotidienne d'un loyer à 36 francs par an, 10 centimes. Achat de vêtements, sabots et linge des parents, 30 centimes. Entretien des enfants au moyen d'habillements usagés et achat des sabots, 20 centimes. Luminaire, amortissement des outils, dépenses imprévues, maladies, 20 centimes. Son pour l'élevage du porc qui nourrira la famille, 10 centimes. Total, 1 franc 75. Il restera donc 25 centimes par jour pour le confortable, le feu l'hiver, le tabac, le vin, le mobilier. C'est ici le budget d'un ouvrier sérieux. Mais combien rationnent leur nourriture afin de consacrer plus d'argent à l'auberge? Des paysannes misérables obligent leurs enfants à se contenter de cidre, de fruits verts, de galettes et d'épaisses bouillies. Des bébés d'un à deux ans sont soumis à ce régime, aussi l'entérite existe-t-elle à l'état endémique. Des mères laissent mourir leurs enfants de cholérine plutôt que de changer un régime reconnu néfaste. Aussi surprenant que paraisse le fait, dans le Morbihan et même chez les fermiers relativement aisés, les fromages blancs, les caillebottes et les divers laitages paraissent un dessert inestimable à de pauvres gamins connaissant surtout le goût du lait bleu, c'est-à-dire du liquide resté dans les barattes après la fabrication du beurre. Depuis que le froment, à peine cultivé dans le centre de la Bretagne il y a 30 ans, se substitue de plus en plus au seigle et au sarrasin, le pain de métaille tend à disparaître. Il faut avoir vu les yeux des enfants briller devant les miches rousses et vernies de la farine de blé à la sortie du four campagnard placé derrière le pignon. Il faut avoir vu le respect religieux avec lequel le père aligne sur les étagères pendues aux solives les 8 ou 10 tourtes de 12 livres qu'il vient de cuire pour apprécier à sa valeur cet aliment fondamental et comprendre la signification solennelle de « gagner son pain ». Là, vraiment, chez ces pauvres journaliers, le pain est roi. Il est en somme le résultat de tout leur effort agraire et on le vénère comme un dieu difficile à atteindre. Afin d'économiser sur la fabrication du boulanger, le paysan achète au marché le seigle ou le froment par poche de 120 livres et porte son grain au moulin à vent. Il lui reste environ 80 livres de farine, déduction faite de la part prise par le meunier comme paiement de son travail. Il pétrit lui-même son pain et abaisse son prix de revient à 8 ou 9 centimes la livre. Un calcul lui a prouvé que la gigourdaine, panade du matin, ne doit pas coûter plus de 2 centimes, le grand déjeuner 4 centimes et la soupe du soir autant. Les jours où l'on mange un morceau de porc, la limite permise est dépassée, mais la famille économise les jours suivants. La viande, c'est l'avoine des hommes, assurent les journaliers qui ne connaissent pas assez le goût de ce picotin nécessaire. Un fermier compte pour son habillement une 50aine de francs par an. Son chapeau de feutre et son chapeau de paille sont évalués à 5 francs. Une chemise de toile neuve, un pantalon et une veste de drap coûtent 30 francs. 6 paires de sabots ne dépassent point 5 francs 40. Une paire de souliers atteint 2 francs. Un père de famille chez les journaliers pauvres estime que le vêtement de ses enfants ne doit presque rien lui coûter. Les jeunes gens usent les hardes de leurs parents et il est bien rare, en effet, qu'on trouve sur eux un morceau d'étoffe neuve. L'été, les garçons portent des culottes à pont. Les écoliers ont vite fait d'arracher le bouton de chaque côté qu'ils remplacent par des chevilles de bois attachées avec de la ficelle. Leurs bas sont tricotés par la mère avec la laine provenant d'une toison achetée 3 francs en moyenne. Les sabots de hêtre valent 10 sous et lorsqu'ils ont éclaté, on les garnit de cercles de fer blanc. La gypsière de l'écolier est taillée dans un vieux cotillon de chanvre ou bien le père la menuise avec 5 planchettes de sapin et fixe une cordelette en guise de bandoulière. Le trousseau d'un fils de journalier est simplifié à l'extrême. Il se compose en général de trois chemises, de longues en rue de toile, que l'enfant revêt alternativement de semaine en semaine, et une chemise de ceinture plus fine. Cette dernière lingerie ne dépasse pas la taille. Souvent fabriquée en lin, elle est un objet de parade qu'on passe par-dessus la grosse chemise bise afin de faire valoir la cravate taillée dans un débris de foulard. On ignore les mouchoirs. Les six paires de bas, les chaussons et les deux vêtements de toile et de drap sont portés jusqu'à complète usure. Dans ces conditions, la toilette d'un garçon ne coûte guère plus de 10 francs par an. Les dépenses diffèrent un peu chez les fillettes. Elles couvrent leur tête avec des bonnets en imitation de guipure d'une valeur de 40 centimes. Une guimpe blanche de même prix égaie le dimanche leur costume un peu vieillot, car il réédite en diminution celui de la mère. Cet habillement se compose d'une robe et d'un tablier à corselet qui la recouvre presque entièrement. La jupe doit être longue et s'étaler très roide. La robe du dimanche est garnie de velours aux manches et aux entournures, suivant les paroisses. Dans les familles pauvres, le drap est remplacé par un lainage léger à fleurettes. Le tablier de cotonnade vert pré ou violet d'évêque fait un amusant contraste avec l'indigo de la robe. L'on peut évaluer à 3 francs la robe et à 1 franc 50 le tablier d'une fillette de 6 à 8 ans. Ces robes se replient en un ourlet très haut qui permet à l'enfant de la porter plusieurs années et de grandir. Ce qu'il convient de remarquer sous les apparences de ce pittoresque, c'est la misère de la race et la mortalité des enfants. La phtisie décime le pays gallo et le nombre des réformés au conseil de révision dépasse celui des autres départements français. Au moins 10% des enfants portent des lésions tuberculeuses. Vers l'âge de 20 à 25 ans, c'est-à-dire au moment où le paysan peut produire beaucoup, les moribonds sont nombreux dans les fermes et les chaumières qu'ils contaminent. Insuffisamment nourris, les jeunes Bretons ne se développent pas normalement. Puis, l'alcoolisme aidant, les médecins constatent l'abaissement de la taille en même temps qu'une diminution du périmètre thoracique. Dans le Morbihan, on trouve des gnomes, paysans à statures enfantines et membres débiles. Comment les enfants des couturières, par exemple, pourraient-ils s'alimenter à leur appétit? Bien souvent, l'on trouve installés dans les courties, derrière les maisons, des groupes d'ouvrières appelées par les fermières. Une fois l'an seulement, on taille les nouveaux vêtements et l'on reprise les vieilles nippes. L'existence de ces cousouses, couturières, ne manque pas quelquefois d'héroïsme. Voici le cas d'une de ces journalières. Louise Leroc gagne 8 sous par jour, prix moyen dans la contrée. L'été, elle commence sa journée à 6 heures du matin et travaille jusqu'à la nuit. L'hiver, sa journée est commandée par la lumière diurne. À ses côtés besogne sa fille, âgée de 16 ans, qui touche 6 sous. Sa nièce, payée 9 sous par semaine, après 2 ans d'apprentissage, et son jeune garçon. Celui-ci gagne sa nourriture, car c'est un gars de la Saint-Jean, c'est-à-dire un débutant depuis le mois de juin. Louise Leroc nous raconte sa vie. Son mari avait brouillé, était devenu fou. Restée seule avec 2 enfants, elle avait débuté à l'âge de 30 ans comme couturière à 4 sous par jour. Comme elle gelait à rester immobile sur la terre, tout le jour, elle posait ses enfants sur chacun de ses pieds. Ce fut l'époque pénible, ne pas même gagner 2 centimes par tête, quelle misère! Des paysans pitoyables lui faisaient de petits dons, sans cela, elle serait morte de privation. Maintenant, elle atteint le plus haut salaire des ouvrières de sa sorte, 8 sous et la nourriture. Cependant, Louise Leroc avait rêvé d'économiser assez pour acquérir une machine à coudre. Ensuite, c'eût été l'aisance. Un courtier lui offrait de payer à l'abonnement. Comme elle est honnête, elle refusa. Elle savait qu'elle ne pourrait pas s'acquitter. Il lui faudra renoncer à sortir de la misère. Cependant, Louise ne réclame pas trop fort et un espoir la soutient. Aussitôt ses enfants grandis, ils iront se gager à Rennes ou à Paris. De pareils exemples expliquent l'exode des campagnards vers la ville. La surpopulation du pays breton oblige à l'émigration. Son important excédent annuel de naissance vaut au Finistère la première place en France. Il est d'ailleurs suivi de près par le Morbihan et les côtes du Nord. Mais fait intéressant, depuis 150 années, des communes morbihanaises maintiennent à quelques unités près leur chiffre d'habitants. Seule une élévation des salaires, par suite d'un meilleur rendement des terres cultivées intensivement, pourrait retenir au village une jeunesse plus nombreuse et lui permettre de vivre heureuse. L'éducation professionnelle manque d'ailleurs complètement en Bretagne. Le pays gallo ne compte pas une ferme modèle. L'on ne peut accuser l'instruction primaire d'être insuffisante. Le nouveau programme de ces études convient aux besoins des paysans. Malheureusement, l'utilité de l'instruction n'est pas encore entrée dans le cerveau des campagnards. Aussi, quoique les parents se conforment, plutôt mal que bien, aux exigences de la loi, le résultat déconcerte. À 12 ans, les enfants sortis de l'école ne travaillent plus et ne tardent pas à oublier ce qu'ils avaient appris. À 20 ans, beaucoup ne savent plus écrire et épellent difficilement. Presque tous sont incapables du moindre exercice de calcul. Cependant, le bien-être dans les campagnes paraît proportionnel à l'éducation des habitants. On pourrait établir des cartes où l'on verrait des sortes d'îlots favorisés. Des communes comme celle de Saint-Jean-Brévelay, de Neuillac, de Noyal-Pontivy paraissent privilégiées dans les comices agricoles. Leurs produits supérieurs obtiennent les prix. Leur aisance concorde avec le nombre de brevets élémentaires ou supérieurs obtenus par les écoliers de ces bourgs. Mieux encore, on y trouve des fils de paysans bacheliers et demeurés vaillamment attachés à leur propriété dont ils modernisent l'outillage. Le maraîchage, l'horticulture ou l'élevage enrichiraient la Bretagne, mais il faudrait des paysans instruits et capables de lire afin de ne pas sombrer dans la routine. Si nous retournons en arrière, il faut se rappeler qu'en 1850, les ouvriers ruraux, uniformément illettrés, touchaient 40 centimes par jour. Vers la même époque, la culture de la pomme de terre n'était pas même généralisée dans le pays gallo. Nos campagnes primitives engendrent leurs héros obscurs. Ces paysans portent les qualités de la race à son point extrême et leur exemple, souvent poignant dans son humilité, mérite d'être signalé. Ainsi, cette vie énergique de Marie Le Serre, une journalière de Sainte-Anne de Bulléon. Dès l'âge de 20 ans, Marie avait prévu le destin réservé aux domestiques de sa sorte, quand ils prennent de l'âge. Comme elle ne voulait pas devenir une chercheuse de pain, son but exclusif avait été de s'assurer une vieillesse honorable. Et quelle est la suprême ambition d'une honnête travailleuse? Arriver à la propriété de son toit. Gager dans une ferme comme chambrière à 80 francs par an, trois paires de sabots, un Justin de futaine, deux jupes de toile et la laine de ses bas, Marie put mettre de côté 10 francs à chaque Saint-Jean. Comme elle n'imaginait pas le fonctionnement d'une caisse d'épargne et qu'elle avait la défiance du notaire, elle empilait ses écus dans une bougette de toile. À 45 ans, une journalière peu nourrie et harassée par un labeur sans relâche, sans les atteintes de la sénilité. Marie estima d'ailleurs qu'elle avait assez amassé d'argent pour se retirer du service et vivre en travaillant chez elle. Elle avait économisé 200 francs en 20 ans. Elle acheta dans la commune de Bulléon, pour la somme de 11 francs, 6 arts, 800 quarts de terrain, en bordure d'un chemin vicinal à proximité d'une carrière de schiste. Grâce à cette circonstance, elle put obtenir pour une vingtaine de francs un tas de pierres manquées, éclatées ou mal taillées. Elle les soulevait une à une dans ses bras et les portait sur son sein comme des enfants. Arrivée sur son terrain, elle les déposait. Cette besogne dura plusieurs semaines. Ensuite, elle fit marcher avec deux ouvriers qui voulurent bien entreprendre la maçonnerie à façon contre une somme de 65 francs. Un charpentier, bon garçon, tailla les chevrons et une petite fenêtre pour 16 francs. Le menuisier de Bulléon fournit la porte, moyennant quelques francs. Comme la couverture menaçait de coûter fort cher, Marie Le Serre partit en campagne et, de ferme en ferme, elle glana son chaume. Elle l'apportait à la brasserie. Un jour, l'ouvrier chaumier de Sainte-Anne lui dit « Halte là, la meule est suffisante, ta maison n'a que 5,50 m, je puis la couvrir. » Auparavant, Marie avait maçonné avec les maçons afin de gagner sa journée d'apprenti et elle avait charpenté au risque de se rompre le cou. Elle avait été sa propre voiture et son cheval. Elle avait pilé la terre de la salle. Elle avait aidé à la fabrication du foyer. Maintenant, elle montait la paille et les roseaux au chaumier. Le jour où nous visitâmes la chaumine, une couturière à 8 sous les 12 heures taillait les rideaux du lit. Le menuisier dressait la carrée de la porte et Marie contemplait son jardinet par sa petite fenêtre sans carreau. Quoique ce fût en septembre, à 4 heures, l'ombre déjà épaisse ne permettait pas de se diriger en cet intérieur et encore moins d'y travailler adroitement. « Dame, que voulez-vous, monsieur ? Pas moyen d'agrandir la croisée et d'y poser de vitres ? Je suis à bout. Voilà bientôt 180 francs dépensés pour la construction. » Et je voudrais acheter un bout de potager. Il me restera 20 francs seulement pour passer mon hiver. » Cette paysanne affirmait ses comptes avec la vaillance paisible des pauvres galops. La couturière à 8 sous, assise sur le seuil, et l'aide menuisier à 25 sous, considéraient Marie avec respect. Et leurs airs disaient « Ah, il n'y a pas beaucoup de journaliers qui aient réussi dans la vie comme cette Madame Le Serre. » Les ouvriers ruraux qui n'ont pu économiser doivent louer leur maison. Dans la commune de Plumélec, on trouve des chaumines à 5 francs par an. Souvent, le pignon de ces masures est mitoyen avec la demeure voisine et le terrain sur lequel elles sont bâties est partagé entre parents. Ce revenu de 100 sous appartient donc par moitié à 2 propriétaires. Les fermes des maisons paysannes, ainsi nomme-t-on les locations, varie de 5 à 80 francs, suivant l'importance du courtier joint au logis. Ouvriers ruraux ou petits fermiers sont d'ailleurs déplorablement logés. Le plâtrage des murs, des fenêtres élargies et un carrelage seraient nécessaires. Mieux encore, des centaines de ces chaumières et de ces métairies, aussi pittoresques soient-elles, mériteraient d'être abattues et remplacées. Or, les petits propriétaires morbihanais de minces ressources ne peuvent entreprendre ces reconstructions. La menue bourgeoisie des chefs-lieux de canton estime déjà le revenu de la terre très insuffisant, 2,5 à 3. Elle manque des capitaux nécessaires et elle se contente de percevoir les loyers sur des métairies vieilles de plusieurs siècles. Trop souvent, dans ces charmantes gentilhommières utilisées comme métairies, la pluie traverse la vénérable toiture et les menuiseries tombent en miettes. Ailleurs, les plafonds menacent ruine et les locataires sont dans l'obligation d'étayer les solives avec des poteaux. Plus loin, les habitants vivent dans une nuit éternelle, sans fenêtre. La porte seule aère et éclaire. Lorsqu'il gèle, on la tient close et on vit à la chandelle. Cette ombre perpétuelle engendre la demi-folie, la chlorose, la phtisie et les ophtalmies. Dans des villages comme Bré, Le Guer et beaucoup d'autres, les démons abondent. Des femmes croient qu'elles fabriquent toujours de la galette et leurs bras tournent perpétuellement une pâte imaginaire. Contre son foyer, un homme mime le geste de battre au fléau. Ces fantômes épouvantent. Seul le travail au champ guérit ces malheureux d'une aliénation mentale engendrée par la stupeur et l'obscurité. Il faut voir dans la faiblesse mentale et la décrépitude physique de cette race qui fut robuste, les départements bretons fournissent le pourcentage le plus élevé de crétins et d'infirmes au conseil de révision, l'œuvre lente du croupissement dans un milieu insalubre. Si au lieu de vivre dans une masure à peine éclairée par des meurtrières et remplie par les déjections des bêtes avec lesquelles ils vivent en promiscuité, ces campagnards habitaient des fermes ensoleillées et séparées des étables, leurs femmes auraient à cœur de tenir proprement leur ménage et les hommes secouraient une torpeur qui conduit les plus lâches d'entre eux à l'abrutissement et au dégoût. Malheureusement, la régénération des paysans galops est un problème économique peu facile à résoudre. Il faudrait 5 à 6 000 francs pour reconstruire les bâtiments des petites fermes de 7 à 8 hectares, louer 300 francs. Or, les locataires ne peuvent et ne veulent point subir une augmentation de fermage qui pourrait doubler leur terme, le propriétaire entendant obtenir 5% sur la somme dépensée en bâtisse nouvelle. Ainsi, longtemps encore, la Bretagne conservera son caractère médiéval et sur ses landes dorées, ses arches de granit bleu resteront ancrées, célébrées par les artistes et maudites des hygiénistes. Il faut attribuer partiellement à l'habitation lugubre et sale la maladie sociale la plus grave de la Bretagne, l'alcoolisme. Les Morbihanais conçoivent leur intérieur comme une nécessité sans agrément, mais l'endroit de luxe, le lieu de plaisir, c'est l'auberge. Tout devient prétexte à prendre une bolée. Deux amis se rencontrent-ils, ils doivent aller trinquer. Des fermiers ne peuvent débattre ou conclure un marché sans s'abreuver. Pendant un marchandage, à chaque phase de la discussion, on entre dans un débit. 3 litres divisés en 15 bolées sont tenus pour la moyenne mesure en pareil cas. Les fêtes sacrées, baptême, mariage, première communion, les pardons et les cérémonies de la mort sont accompagnées de beuveries formidables. On boit à tout âge, on encourage les petits-enfants de 2 ans à reprendre plusieurs fois du cidre. Un gars de 6 ans doit savoir siffler une goutte, il est admiré. Aux foires de Musillac, fréquentées par des milliers d'adultes, les jeunes filles elles-mêmes se font gloire de paraître ivres. À Josselin, des fillettes de 7 ans ne partent pas pour l'école sans avoir vidé leur verre d'eau-de-vie. Les garçons de 16 ans, dans le pays gallo, boivent de la vénérette, alcool dans lequel on a fait infuser des simples. Un pari classique, à Ploermel, c'est de boire 12 bolées pendant les 12 coups de midi sonnés à l'église Saint-Armel. Boire à la tapée, dans les fermes, c'est faire circuler d'une façon ininterrompue une écuelle qu'on ne cesse de remplir de liquide, et chaque paysan attablé ne doit jamais refuser la boisson. Le jeu de la clé consiste à vider un tonnelet de vin ou de cidre sans s'arrêter. On enlève la clé et le pouce du buveur en remplit l'office. Autour de lui, 10 à 12 ivrognes doivent tendre leur verre chaque fois que l'homme lève son pouce et que le jet de liquide s'échappe du tonneau. À tour de rôle, l'un ou l'autre paysan réclame l'honneur de faire la clé et lève le doigt à chaque instant afin d'obliger ses compagnons à tendre leur pichet et à boire à longue goulée. On se sépare seulement lorsque le tonnelet est vide. Ces abominables orgies durent parfois 24 heures. Advient-il à l'un ou à l'autre des buveurs de tomber ivre mort ? On l'enfouit dans le fumier. La tiédeur de cette couche et les gaz ammoniacaux sauvent le misérable. L'alcoolisme chez ces campagnards atteint un degré d'intensité effroyable. Une femme d'Éléan meurt après une ivresse continue de 6 mois. Pendant les automnes riches en pommes, il n'est pas rare de voir la population de villages entiers tituber pendant des semaines. Automne 1905, presque chaque jour, il partait des chefs-lieux de canton pour les asiles d'aliénés, des ivrognes, hommes ou femmes devenus fous. Lorsque les fûts sont insuffisants, on boit le cidre au fur et à mesure de sa fabrication afin de n'avoir pas la douleur d'en perdre. Monsieur le docteur D. a recueilli ses dernières paroles d'un ivre mort, agonisant, à son cousin et héritier accouru à son chevet. « C'est-y malheureux de mourir cette année de cidre. B. bois. B. toi, cousin. » Et il trépasse. Devenir le vivant entonnoir du tonneau des Danaïdes, voilà le rêve de ces paysans. En pays mytho, mytho, c'est-à-dire mitoyen entre la Bretagne bretonnante et la Loire inférieure, cette région est limitée au nord par la Vilaine. Dans la Loire inférieure, il est fréquent de trouver des vignerons âgés qui ont consommé 10 à 12 litres de vin blanc par jour. Ces paysans sont considérés comme des gens normaux et l'on doit presque les regretter lorsqu'on constate chez les jeunes gens une diminution dans la consommation du vin au profit de l'alcool. Dans les pays à cidre, l'eau de vie de pomme est de plus en plus demandée. Des faits incroyables d'ivrognerie se renouvellent quotidiennement. Un jeune homme à Bignan buvait 20 litres de cidre en 6 ou 8 heures, suivant sa disposition. Alors qu'il était en apprentissage, à l'âge de 18 ans, son patron lui offrait un litre de cidre afin d'avoir le plaisir de lui voir avaler auparavant 2 litres d'eau. Il les absorbait facilement. Simon, un cultivateur de 70 ans, ne peut s'endormir sans boire après sa prière, car il est fort dévot, un litre de vin fortifié d'une tasse de cognac. Cet état perpétuel d'ébriété développe chez certains Bretons une mentalité curieuse d'héroïsme ou de rêve mystique. Les pardons, ces fêtes sacrées, se terminent dans l'ivresse générale. J.K. Huisman, s'entretenant avec nous de la piété armoricaine, avait d'abord été édifié par les prosternations des Finistériens devant les autels. À mieux regarder, il s'était aperçu que ces balancements provenaient tout autant de leur état physiologique que de leur dévotion. Les yeux et l'estomac noyés, le Breton prit cependant avec une candeur et une ferveur certaines. Le vieux Simon, lorsqu'il ajoute trop d'eau-de-vie à son vin de prière, ainsi le qualifie-t-il, fait des songes merveilleux. Aussi lui est-il arrivé deux fois de se réveiller à l'aube, tellement plein du désir de sauver la France, qu'il ameutait ses voisins, les obligeait à s'armer, et lorsqu'ils avaient encore bu un tonneau de vin défoncé sur un pré, il partait sur la grande route pour Paris au cri de « Vive l'Empereur !» Il voulait jeter bas la République. Un gendarme suffisait à calmer cette exaltation alcoolique. Dans un bourg de l'Ille-et-Vilaine, la population entière s'enivre au moins une fois par semaine, et le maire de la localité estimait que sa femme était la seule personne à ne pas consommer du tafia. Aux environs de Rennes, les paysannes font chauffer du cidre qu'elles additionnent de mauvais rhum. Ce mélange emporte aussitôt la raison. Ce fléau des campagnes bretonnes, l'alcoolisme, est le corollaire de la pauvreté des logis et de l'insuffisance des salaires. Ajoutons-y une autre cause prépondérante, l'ennui. Toutes les mesures répressives, amendes, prisons, diminution des cabarets et même la monopolisation de l'alcool, rien n'empêchera l'ivrognerie de ces pauvres gens. Il faut savoir les distraire, il faut combattre l'hébétude des dimanches villageois. Il est très en grande majorité, car leurs enfants échappent dans une proportion notable à la loi sur l'instruction obligatoire. Il conviendrait de les élever intellectuellement et de les amener à jouir de la vie de l'esprit alors qu'ils ne possèdent encore que la jouissance de leur corps. Et combien émoussé ! Il faut avoir vu les galops les jours fériés dans leur hameau pour comprendre la morne tristesse de leur inaction. Affalés sur leur seuil, ils évoquent des bêtes de somme dételées qui stationnent stupidement en attendant de reprendre leur collier de misère. L'été, pendant la durée de battage, comme nous apercevions des jeunes gens ployés sur les clayons de la cour, les bras pendants, inertes, le fermier qui nous accompagnait nous dit seulement « Ils sont encore fatigués d'hier ». Vers le soir, ces éternels fatigués d'hier iront demander à l'auberge le tonique qui les redressera, leur donnera de la voix et une apparence de gaieté. Il n'est d'autre remède à l'intempérance des Bretons que l'amélioration des logis, l'instruction développée leur permettant la lecture et la création de fêtes et de jeux villageois. Est-il légitime que les citadins jouissent seuls des privilèges de la civilisation ? Les touristes qui visitent la Bretagne sont frappés par le nombre des mendiants, très souvent dignes du crayon d'un calot, avec leur coiffure de laine à large bord, leur gilet jadis bleu de roi et devenu verdâtre, leurs culottes de toile bise ou quelquefois chez les plus âgés, leurs longues chevelures bouclées, leurs braies gauloises ceinturonnées de cuivre et leurs guêtres. Les causes profondes de cette plaie armoricaine ne permettent pas malheureusement de voir se tarir bientôt le recrutement de ces indigents. Les journaliers agricoles ne touchant guère plus de 400 francs par an, les ouvriers villageois, menuisiers et maréchaux 5 à 700, et les petits métayers vivant au jour le jour, cette population ne peut économiser. Aussi, lorsque l'âge affaiblit leurs bras, ou bien ils tombent à la charge de leurs enfants, pauvres eux-mêmes, ou bien ils doivent mendier. Plus souvent, ils végètent, à moitié entretenus par leurs fils et aidés par les quêtes qu'ils entreprennent une fois par semaine. L'égoïsme des enfants, excusable dans une certaine mesure, force leurs parents à courir les seuils des riches. Seuls les fermiers et métayers qui se succèdent pendant des générations sur la propriété qu'ils ont louée entretiennent leurs pères et mères avec un respect qui ne manque pas de grandeur. Les tâcherons âgés deviennent donc forcément des mendiants, puisque le travail de leur vie ne leur a pas permis d'amasser le millier de francs indispensable à leur vieillesse. Les maires des communes rurales connaissent le mal et savent combien le sort de ces indigents est immérité. La plupart de ces pauvres diables tombés à la charité publique se bornent à explorer le territoire de leur canton. Ils reviennent à intervalles réguliers dans les mêmes maisons où ils sont généralement bien reçus. Ces honnêtes mendiants se présentent rarement dans les fêtes et les pardons bretons. Seuls les professionnels hantent ces vastes assemblées. Jusqu'ici, aucune caisse rurale et aucune retraite, comme chez les marins, ne secourent les journaliers à leur déclin. L'état d'esprit de ces indigents armoricains mérite d'être exposé. Sages, rangés, peu bruyants, ils ne récriminent pas contre leur sort, qu'ils estiment presque plus avantageux que leur ancienne condition. Aussi trouvent-ils naturel d'avoir le droit de mendier comme récompense de leurs 40 ou 50 années de travail. Leur état de mendicité n'engendre chez eux aucun sentiment d'humilité. Ils disent d'ailleurs « nous allons quêter » et ils se présentent hardiment aux portes. Chaque famille de cultivateurs aisés donne son pain ou ses légumes à son pauvre attitré. Très souvent, celui-ci a travaillé comme domestique sur la propriété. Le chercheur de pain occupe une fonction dans la société rurale. Un vieillard en tournée vous dira « je vais toucher mes fermes », c'est-à-dire recevoir les sous qu'on a coutume de me donner chaque semaine dans certaines maisons. Il s'estime satisfait lorsqu'il ne meurt pas de faim et qu'il peut fumer une pipée de temps à autre. Ces vieillards nomment leur bienfaiteur la personne de la commune qui les entretient de tabac. Ils sont tellement attachés à leur pipe qu'ils aiment mieux revendre leur croûte de pain que de renoncer à ce luxe. Lorsqu'on veut envoyer à l'hospice un de ces pauvres impotents, il s'écrie toujours « j'irai même en prison si on m'assure du tabac à longueur de journée ». Cependant, les campagnards détestent l'hôpital. Ils représentent à leurs yeux la captivité, la maladie et la mort. Attachés au coin du sol qu'ils ont défriché jadis, ils préfèrent une existence aléatoire au bien-être dans l'enceinte d'un hôtel-dieu. On méconnaîtrait ce paupérisme en croyant assurer la félicité des Bretons par la création des maisons de retraite. Dans quelques communes, à l'imitation de certaines provinces du centre, le conseil municipal attribue un pauvre par semaine aux fermiers et aux bourgeois capables de l'entretenir. Le vieillard est ainsi nourri et logé à tour de rôle et ne pâtit pas. Des auteurs aussi renseignés que M. Méline ont prêché le retour aux champs. En ce qui concerne la Bretagne pauvre et prolifique, l'exode vers les villes paraît malheureusement plus justifié. Un ouvrier salarié à 1,25 franc, nourri d'indigestes bouillis et de galettes, désire gagner 5 ou 6 francs, se nourrir, se loger et se récréer comme un civilisé. Dans les départements armoricains, les meilleurs et les plus hardis des jeunes gens quittent malheureusement leur pays. L'école, en les instruisant, leur donne conscience de l'état du monde moderne et travaille au dépeuplement, relatif d'ailleurs, de nos campagnes. Et pourtant, tel est l'attachement des Bretons pour leur village et leurs clochers à jour dont les sonneries ont pour eux des voix d'une douceur inimitable, que lorsqu'un Breton transplanté à Paris s'enrichit, il revient acquérir dans sa commune la maison où il mourra face à son ciel gris et à son landier doré. Rarement les Français des autres provinces sont demeurés justes vis-à-vis des Bretons. Leur éloge ou leur blâme ont dépassé les mérites ou les qualités de nos paysans. Aucune population n'étant plus réservée, plus méfiante même vis-à-vis des étrangers, il convient de l'étudier patiemment avant de prononcer un jugement que les faits ultérieurs controuvent. Ces dernières années, des romanciers se sont montrés sévères envers les Bretons. Monsieur Henri Séard, Terrains à vendre, roman 1907, consacra près de 900 pages, d'ailleurs souvent exactes, à démontrer la stupidité et la brutalité alcoolique des habitants de la presqu'île de Quiberon. Son ouvrage respire le plus sombre pessimisme. Avant lui, Georges d'Esparbès et Austin de Croze avaient annoncé la fin des marins pimpolais tués par le tafia. Or, Morbihanais ou Trégorois vivront encore longtemps et se multiplieront. Jamais les apparences n'auront trompé davantage les observateurs qui n'appartiennent pas à cette race renfermée. Les Armoricains ont pourtant leurs explosions. Fatalistes et résignés sur leur lande et à leurs travaux, soudain ils se réveillent ardents au plaisir et aux conversations les jours de foire ou de pardon. C'est qu'il y a chez eux un besoin de se soulager d'un silence prolongé pendant des semaines dans leur campagne mélancolique, avec son ciel bas d'où l'eau descend comme des larmes. Les galops poussent ces contrastes à leur extrême limite. Ces cultivateurs aux yeux endormis et aux échines alourdies sembleraient-ils, par le poids de toutes les infortunes de leur race, se retrouvent guillerets lorsqu'on les convie à un mariage. Ils dansent alors des ridées pendant 3 jours, vocifèrent, et les plus vifs d'entre eux composent des chansons. Quelques joueurs de biniou excellent dans ces compositions faciles, incorrectes mais d'une poésie certaine. La source des bardes n'est donc pas tarie. Les Morbihanais aiment d'ailleurs chanter lorsqu'ils travaillent en compagnie. Le battage au fléau est toujours rythmé par une chanson qu'un dépiqueur entonne et auquel ses camarades répondent. Les patours s'interpellent de coteau en coteau et les claquements de leurs fouets accompagnent les refrains. Il faut le dire, dans sa famille, le cultivateur montre peu de souci d'être agréable à sa femme. Pourtant, s'il ignore les manières raffinées de la politesse, il sait être galant à l'occasion. Les mots « mon aimable »,« ma douce » sont communs dans la conversation, et les garçons plaisantins érotiques marquent même trop de prévenance pour les jeunes filles. Aussi, les naissances illégitimes sont-elles communes dans les bourgs. Comment affirmer ensuite l'aménité ou la sauvagerie de cette population tour à tour courtoise et rude? Au point de vue esthétique, les artistes eux-mêmes ne peuvent pas s'entendre sur la valeur picturale de l'armorique. La majorité la voit grise avec des dégradations harmonieuses et tristes. Elle apparaît colorée et vibrante à d'autres peintres. Landes dorées et roses, mer d'un bleu de cobalt l'été, roches de porphyre rouge, coiffes, guimpes et collerettes blanches les femmes, costumes bleus de roi, cotillons écarlates, près d'un vert inimitable parmi leurs eaux courantes font de la Bretagne une contrée multicolore. Et c'est ainsi que Simon, le Mordant et Mofra la traduisent. D'autres peintres, comme Cotet, l'aperçoivent en deuil. Les uns et les autres ont d'ailleurs raison. Suivant les jours et les saisons, le Landier, les rivages et les vallées mettent leurs capots ou leurs habits de fête. Sortent de larges capuchons plissés en drap noir. Vient-on à parler des qualités intimes des habitants, ils passent tantôt pour désintéressés, fidèles, honnêtes, timides, et tantôt on dénonce leur amour du gain. L'effronterie de leurs filles dans les ports sardiniers, la mendicité de leurs enfants dans les centres de tourisme, l'ivrognerie des marins et l'indifférence des paysans aux bienfaits. Sans doute, ces blâmes et ces compliments ne portent point tous à faux, mais leur exagération n'a pas besoin d'être démontrée. Toujours l'esprit de généralisation tend à faire supporter par tout un peuple les fautes ou les vertus de quelques-uns. À la vérité, la Bretagne prolifique, agricole et maritime, demeurera une pépinière d'hommes énergiques, malgré l'alcoolisme qui pourrit le sang et le cœur de ses enfants. Aucun Breton de bonne foi ne niera d'ailleurs l'immensité de cette plaie. Elle produit une régression de la moralité chez nos cultivateurs et nos pêcheurs. Leur père routinier ne connaissait pas les méthodes fécondes de l'agriculture nouvelle, mais ils valaient davantage par la dignité de leur vie et leur fierté. Les crimes et les infanticides se multiplient. La cour d'assises du Finistère est toujours l'une des plus chargées. D'un autre côté, les mœurs antiques assuraient la paix entre propriétaires et tenanciers et faisaient régner la douceur dans les rapports des maîtres et des serviteurs. La charité des anciens usages défendait aussi les journaliers contre la misère, le fort aidant au faible, suivant la vieille et noble expression bretonne. Aujourd'hui, la lutte pour la vie entre armoricains, outranciers comme tous les êtres naïfs, provoque des grèves violentes et jette les populations de certains cantons dans un socialisme internationaliste dont elles ne savent au fond que le champ de la lutte finale. Les fêtes données en l'honneur de l'érection de la statue de Renan à Tréguier en 1903 furent significatives à cet égard. Dans les salles publiques, on chantait l'international et pendant 2 jours, les cris de « Ouh, ouh, à bas la calotte !» furent hurlés avec une conviction telle qu'on aurait pu croire la Bretagne déchristianisée. Le dimanche suivant, les fumées des banquets évanouies, on pouvait déjà retrouver à la cathédrale quelques chefs du mouvement et la plus grande partie de leurs troupes. D'autre part, lorsqu'on examine la décadence des arts locaux, broderies, sculptures sur bois, poterie, faïence, et que l'on compare le mobilier de nos paysans au XVIIIe siècle à leurs meubles et à leurs vaisselles modernes, si insuffisants, l'on est bien forcé de reconnaître que l'Armor a perdu d'un côté ce qu'il a gagné de l'autre. S'il nous fallait donc chercher une conclusion à cette étude, après y avoir bien songé, nous affirmerions qu'en l'état actuel, la Bretagne demeurait un siècle après les autres provinces, une image vivante de la vieille France, commence à connaître les affres de l'évolution et souffre d'un manque d'équilibre. Tout sur son sol, les maisons et les gens portent encore en eux le Moyen-Âge, mais les fermes caduques ne seront pas éternelles, et à travers l'ivresse de ce peuple, les rêves d'une vie nouvelle s'ébauchent.